Millennium 2. La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. De Stieg Larsson. Traduction Lena Grombach et Marc de Gouvenat. Adaptation Sophie Bocquillon. Réalisation François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Théorème de Fermat. Il est impossible pour un cube d'être écrit comme la somme de deux cubes. En général, pour n'importe quel nombre égal à une puissance supérieure. Toujours aucune nouvelle de Lisbeth Salander? Non, toujours rien. Ça va faire un an. C'est quoi ton problème? Lisbeth Salander, cette salope a détruit ma vie, qu'elle crève. Je vous présente Dag Svensson. Bonjour. La Suède voudrait se faire passer pour un pays irréprochable en matière de prostitution, alors que c'est le plus gros consommateur de prostituées par habitant. Salander. Salut Mimi. T'es incroyable. Tu disparais pendant plus d'un an, tu débarques en me demandant si j'ai envie de baiser. Je voudrais t'engager pour un boulot un peu spécial. Spécial comment? Elle s'appelle Lisbeth Salander. Bon, le numéro de mai portera sur la prostitution en Suède. Allez, au travail. Deuxième épisode. Super bouquin. C'est quoi? C'est génial. Acquisition par Marcus 1975. Livre de compte. Ça, tu commences, tu t'arrêtes. Nouveaux interprètes, Peter Turner. Bon baiser de Russie. Ah. Pas mal comme titre, non? Tiens, Erika. Merci. Et voilà pour toi, Michael. Merci. Le sous-titre est plus conforme au style d'une thèse. Trafic de femmes, criminalité organisée et mesures prises par les autorités en Suède. Mia a fait un travail exceptionnel. Dag parle de ceux qui profitent de la prostitution. Moi, je présente des statistiques, des études sur le terrain, des textes de loi. Et j'analyse le comportement de notre société et de notre justice vis-à-vis des victimes. La plupart ont entre 15 et 20 ans. Classe ouvrière, niveau d'éducation faible. Malgré la loi, plusieurs centaines d'entre elles sont envoyées chaque année en Suède pour servir de putain. En gros, tu dis que la loi ne sert à rien? Ben non. Et il n'y a pas d'autre forme de criminalité qui soit si bien tolérée par la société. Pourtant, ces filles sont violées, frappées, menacées de mort, parfois séquestrées et torturées par leurs macros. Elles ne peuvent pas s'enfuir? Elles sont paumées. Souvent, elles parlent même pas anglais, alors le suédois. Et la première chose que font les souteneurs, c'est de confisquer leurs passeports. Elles gagnent de l'argent? Oui, histoire qu'elles tiennent le coup. Mais en général, au bout de 3 mois, on les laisse rentrer chez elles avec une jolie petite somme en poche. Fin de l'histoire? Pas vraiment, non. Entre-temps, elles ont connu la drogue et l'alcool. Et elles claquent tout leur fric pour en acheter. Et quand elles sont à sec, elles reviennent vite vers leur bourreau pour se refaire. On a une idée de l'argent que ça génère? 2 ou 3 filles peuvent faire gagner à un seul mac plus de 200 000 couronnes par mois. On pense que le chiffre d'affaires du trafic doit tourner autour de 700 millions de couronnes par an. Au total, en Suède, il doit y avoir 300 personnes qui en vivent. On les connaît? Oui. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce sont des petits groupes assez peu organisés. Originaires de Russie, des pays baltes et de Suède. Des types extrêmement violents. Peut-être que ce hors-série incitera nos politiciens à se bouger. Le dieu des putes t'entend, Erika. Super beau. T'as tout refait? Juste jeté tes vieux meubles de récup, ton canapé miteux, tout ton bordel, quoi. Viens voir. J'ai récuré la cuisine, la baignoire et les placards. Reste plus qu'à meubler un peu. C'est dingue ce que ça change. Maintenant que la fée du logis est passée, t'es venu me dire que tu veux le récupérer? J'en ai pas besoin, je t'ai dit. Tu pourrais le vendre super cher. J'ai assez de fric pour vivre. Je te demande pas d'où tu le sors. Tu me répondras pas. Tiens. Je me suis occupée du contrat avec la copropriété. Comme j'ai pas le droit de le sous-louer, je te vends la moitié de l'appart. Et je vais dire qu'on vit ensemble. Faut que tu signes. Tu me le vends? Mais j'ai pas de fric. Une couronne. T'es malade? Tu vas pas me faire cadeau de la moitié de ton appart? Ou alors tu signes. Et si un jour tu regrettes? Lisbeth, je veux pas que ça crée des histoires. Il y en aura pas. Mais tu gères mon courrier, promis? D'accord. Je te ferai des comptes rendus super détaillés, en 10 exemplaires. Tu passeras me voir de temps en temps? D'après toi, je suis où là? Trop loin de moi. Viens. J'ai envie de m'amuser. Et toi? Oui. Je commande. Tu obéis. Déshabille-toi. Allonge-toi sur le ventre. Qu'est-ce que tu fais? Je vais t'attacher. Tu vas voir. Tu vas voir comme c'est bon, obéir. Lisbeth. Ça alors? Je suis venue prendre des nouvelles de mon ancien boss. Ça fait plaisir de te savoir toujours en vie. Plus d'un an sans nouvelles. Tu exagères. T'es fâché? Si tu viens pour du boulot, c'est niette. Je n'ai plus l'intention de faire appel à toi. J'ai besoin de rien. Tu t'es trouvé un autre job? Même pas. Je rentre de voyage. T'étais où? J'ai pas mal bourlingué. Europe, Australie, États-Unis, Antilles. Je vois que la vie est belle. C'est bizarre. Tu as quelque chose de changé. J'aurais dû dire que je partais. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Je vais te le dire, moi. Parce que t'en as rien à foutre des autres. Et tu traites ceux qui veulent être tes amis comme de la merde. Je me casse si tu préfères. Fais comme tu veux. Mais avant, faudrait que tu te souviennes que ton ancien tuteur a fait une hémorragie cérébrale il y a 2 ans et que t'es pas allé le voir une seule fois. Palmgren vit toujours? Tu le savais pas? Je te jure que non. Les médecins avaient dit qu'ils en sortiraient pas. Il va mieux. Il a encore un peu de mal à parler. C'est moi qui l'ai trouvé quand il a eu son attaque. Excuse-moi de t'avoir parlé comme ça, mais j'étais en colère. Comment tu fais pour vivre? J'ai du fric de côté. Tu vas chercher un boulot? J'en sais rien. Et je fais quoi si j'en ai? Je t'appelle? Si t'as un gros problème que personne n'arrive à résoudre, oui, appelle-moi. Compris. Qu'est-ce qui s'est passé à Edelstadt l'année dernière? Martin Wenger qui se tue en voiture, sa sœur qui ressuscite? J'ai promis de pas en parler. Et ton rôle dans l'affaire Wennerström, tu ne peux pas en parler non plus. J'ai aidé Michael Blomqvist dans ses recherches. C'est tout. C'est tout. Blomqvist a cherché comme un fou, lui aussi. Il m'appelle tous les mois pour savoir si j'ai des nouvelles. Tiens, mon numéro de portable et mon nouveau mail. Tu vas où? Voir Holger Palmgren. Au fait, t'es deux mecs qui bossent sur Christine Rutherford, l'actrice qui reçoit des lettres anonymes. Oublie. C'est elle qui les écrit pour attirer l'attention. Quoi? Elle va organiser une fuite pour que les médias en parlent. Elle va dire que c'est Milton Security qui a laissé filer l'info. Si j'étais toi, je la rayerais de la liste de mes clients. Tu as piraté le système informatique? Juste pour la bonne cause. Allez, salut! T'es qu'une foutue hackeuse! Son déjeuner, il a encore du mal. Il peut parler? C'est un peu difficile, mais il a fait des gros progrès ces derniers mois. Ce sera long. Pour ce genre de patient, idéalement, il faudrait un ergothérapeute personnel à plein temps, mais c'est impossible. Trouvez-en un. Meilleur sur le marché, je paierai son salaire. C'est pas possible. Pourquoi? Je sais pas, il faudra en parler au médecin. Dis-lui que je veux le voir. D'accord. Je vous laisse. À tout à l'heure. Bonjour, Olga. Lisbeth. Attends. Je vais t'aider. Je suis pas venue te voir. Je croyais que t'étais mort. Pardonne-moi. Tu as disparu. J'étais en voyage, tu t'inquiétais? Non. Tu t'en sors, toujours. Et ton nouveau tuteur? Mon nouveau tuteur? Ça va, le gère. Le tribunal. Quoi, le tribunal? Il faut annuler la tutelle. Je sais, t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Fini? T'as encore faim? Non, merci. Tu pourras être mon avocat si j'ai besoin de toi. Trop vieux. Ouais, t'es un foutu vieux con, mais c'est toi que je veux. Alors va falloir que tu te retapes, d'accord? D'accord. Super. Au fait, je t'ai ramené notre jeu d'échecs. Ça fait 2 ans que j'ai pas eu l'occasion de te battre. T'as intérêt à rassembler tous tes neurones. Je te laisse les blancs. Dépêche-toi, Dag. Les flics sont au bout de la rue, j'ai pas envie de prendre une prune. Ça va? T'as l'air contrarié. Bah, je galère un peu avec le texte. Rien de grave. À cause de quoi? Björk, le type de la police secrète, j'arrive pas à le joindre. T'as pas son numéro de téléphone à la CEPO? Si, mais je tombe sur un mec qui me répond qu'il est en congé longue maladie. Et il veut pas te donner son adresse ou son portable? C'est ça. T'en as parlé à Erika et Mickaël? Non, pas encore. Ça serait trop con de louper un mec de la police secrète qui se tape des putes. Dis donc, t'avais pas interviewé une certaine Irina AP? Si. Une fille de 22 ans de Saint-Pétersbourg. Pourquoi? On l'a retrouvée morte. Regarde. Elle flottait dans le canal de Södertälje. C'est pas vrai. Nuque brisée, côte cassée, un poumon perforé. Ils l'ont massacrée. C'est horrible. Je parle d'elle dans ma thèse. Sous le pseudo de Tatiana. C'est un certain Salah qui l'a fait venir. J'ai pas réussi à en savoir plus. Il est polonais ou yougoslave. Irina voulait arrêter de se prostituer, mais elle avait très peur de lui. Salah. Salah, c'est bizarre, je suis tombé sur ce nom il y a une semaine ou deux. Comment ça? En interrogeant une espèce de salaud qui se dit journaliste. Sandström. Ce mec se tape des mineurs qu'il met en scène dans des fantasmes de viol. Tu sais sur quoi il bossait dernièrement? Non. Il a écrit une brochure d'information sur les maladies sexuellement transmissibles pour l'Institut de Santé Publique. Pourriture. Je l'ai coincé la semaine dernière en lui mettant mes preuves sous le nez. Il a avoué? Ah oui. Et il s'est pas contenté de consommer des filles. Il a aussi rendu quelques services aux souteneurs. Et il m'a donné ce nom, Salah. Salah, ça s'oublie pas. T'en sais pas plus sur ce type? Non. Je sais juste qu'il terrifie les filles. Allô ? Nils Burman. La Salander est de retour en Suède. Ok, n'appelle plus sur ce numéro. Mais alors comment on va faire si je... On te rappellera. Saloperie. Ne rate pas ton coup, c'est tout ce que je te demande. Dag ? T'es encore là, il est plus de 9h. Faut que je termine. Plus beaucoup de temps avant le bouclage. Tout va bien ? Oui et non. J'arrive pas à joindre ce type de la police secrète, Björk. T'as quoi comme contact ? Juste une boîte postale. Ouais. T'as essayé le coup du tirage gagnant ? Du quoi ? Tu inventes un nom de société. Et tu lui envoies une lettre en faisant croire qu'il a gagné un truc, genre téléphone portable avec GPS. J'envoie ça à la boîte postale de Björk ? Ouais. Sur la lettre, tu écris qu'il doit appeler tel numéro pour récupérer son cadeau... Et que s'il répond en plus à un sondage, il peut encore gagner 100 000 couronnes. C'est légal. Je vois pas en quoi ce serait illégal d'offrir un téléphone portable. Et ça marche? Presque à tous les coups. Et tu crois quoi? Les mecs de la police secrète, eux aussi, aimeraient bien gagner 100 000 couronnes. De toute façon, tu n'as rien à perdre. Hein. T'es vraiment incroyable, toi. Allez, viens, on va boire une bière. Ok. T'as assez travaillé pour aujourd'hui? Il y a une table de livres là-bas. Suis-moi. Tu connaissais ? Je suis venue une ou deux fois. Sympa, hein ? Ça va. Tu te mets là ? Qu'est-ce que tu bois ? Une bière. S'il vous plaît ? S'il vous plaît ? Le serveur a l'air débordé. On n'est pas pressé. T'as raison. Au fait, j'ai quelque chose pour toi. Tiens. Qu'est-ce que c'est ? Ton cadeau d'anniversaire. Mais c'est dans plus d'un mois. C'est celui de l'année dernière. Je te l'avais acheté et t'as disparu. Je suis retombée dessus en faisant mes cartons. Un étui à cigarette ? Merci. Ça serait mieux que t'arrêtes de fumer, mais bon. Si tu continues, autant que ça soit avec classe. T'es la seule personne à me faire des cadeaux. J'étais sûre que ça te plairait. Mais qu'est-ce qu'il fout, le serveur, là ? Hé ! T'as vu qui est assis là-bas ? Non. Mikael Blomqvist. Le journaliste de l'affaire Van Ostrom. Ah ? C'est devenu une star. T'as pas suivi l'histoire ? C'était quand tu t'es tiré à l'étranger ? Peut-être. Il est beau mec. Paraît que c'est un tombeur. Mais tu le connais même pas. Je sais pas c'est qui le type blond avec lui, mais ils ont pas l'air de se marrer. Bon, si le serveur déboule pas dans 3 minutes, on va voir hier. En fait, je t'ai pas raconté. L'an dernier à Londres, j'ai rencontré une fille dans une galerie d'art. J'ai commencé à la draguer, mais elle pensait que j'étais la proprio de la galerie. T'aurais vu la conversation. Elle essayait de me caser ses études aux Beaux-Arts, et moi j'ai essayé de lui caser que j'avais envie de la mettre dans mon lit. Lisbeth, qu'est-ce que t'as ? Tu m'écoutes pas ? Si. Non, t'es complètement ailleurs. Je suis plus habituée à sortir, c'est tout. Je vois ça. J'ai l'impression de parler à un mur. Écoute, Mimi, je vais rentrer. Je crois qu'après tous ces voyages, je suis encore trop déconnectée. On se voit bientôt ? Ouais. Je t'appelle. Qu'est-ce que je vous sers ? Rien. C'est trop tard. Merde. rentrer, faut que je trouve lui. Tu viens de foutre là sous mon nez? Ok. Moi, c'est dans ton ordi que je vais fouiller. Tous les numéros de Millennium. Les sangsues ou les bénéficiaires de l'industrie de la prostitution par Dax Svensson. Bon baiser de Russie par Mia Bergman. Ça va bientôt chauffer. Millennium va encore faire des gros titres. Et tes mails. Message d'Harriet Wenger, le 26 janvier. Cher Michael, aucun problème pour moi pour la prochaine assemblée générale du journal. Ni pour la suite, j'ai réservé la même chambre d'hôtel que la dernière fois. Tu la tapes aussi, celle-là? J'aurais dû m'en douter. Message de Dax Svensson. Cher Michael, je me demande si on ne pourrait pas faire un chapitre entier sur... Sala ? Sala ? Je rêve. Merde. C'était Millennium 2 de Stieg Larsson. Deuxième épisode. Avec Anne Kodja, Lisbeth Salander, Christophe Raymond, Michael Blomqvist, Marie Payen, Erika Berger, Pauline Moinjon, Mia Bergman, Mathieu Létuvé, Dax Svensson, Léonie Pinjot, Myriam Wu, Miglen Mirtchev, Dragan Armansky, Pierre-Yves Desmonceaux, Holger Palmgren, Alain Rimoux, Niels Burman, Jochen Egele, Ronald Niedermann. Et les voix de Claire Boger et Netta Lando. Musique originale de Krishna Levy, interprétée par l'Orchestre National de France, dirigée par Didier Benetti. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation, Marie Placet. Réalisation, François Christophe. Millennium 2 est publié chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs, la musique de Krishna Levy aux éditions Amélie.